Guy Louboineau. Micro ouvert. Une phrase assez hésitée. Bonjour chers amis, chers camarades, surtout toi. On va remercier d'abord Parchemin de nous accueillir pour ce quatrième jour du festival Artillerie 3. Bon, c'était un peu évident de faire ça à Parchemin parce que parmi les monomaniaques de la question Covid et de l'état d'urgence sanitaire, il n'y en a pas beaucoup qui ont été beaucoup plus loin que les gens qui ont posé réflexion ici. C'est pas un sujet super joyeux, mais en même temps, il y avait une vague envie et une vague idée de déconfiner l'oubli, parce que autour de la question de l'état d'urgence sanitaire, il y a une certaine amnésie qui s'est posée. Et étrangement, ce sujet est évoqué comme sont parfois évoqués des traumas individuels, c'est-à-dire à demi-mot. Et objectivement, nous, au Sapin, on pense que c'est pas un petit sujet, en réalité, qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement étrange. Et pour ça, on va essayer de l'évoquer en trois temps. Le premier temps, ce sera avec Nicolas Thirion, qui est présent juste ici, qui est professeur de philosophie du droit à Liège et qui a commis un livre assez nécessaire et qui, à ma connaissance, par ailleurs, est un des rares à avoir osé prendre à bras-le-corps et assez vite la question de la légalité des mesures Covid. C'était très important pour nous de l'avoir, dans le sens où, contrairement à certains d'entre nous ici, il est insoupçonnable d'être un gilet jaune complotiste du parti du Black Bloc, complètement loufoque et anti-vaccin. Donc il va être la phase... il va être l'élément de rationalité. Enfin, j'exagère un peu, parce qu'ils sont rationnels aussi. C'est moi qui ne suis pas hyper rationnel dans cette histoire. Et on va commencer par lui, donc il va nous faire un léger compte-rendu de la façon dont l'état de droit, en réalité, était assez largement bafoué. Après, je vais tenter, personnellement, bon an mal an, de vous rendre compte de la création d'un livre qui s'appelle « Le confinement des mondes », que j'ai écrit, qui est un livre de poésie et qui est justement une... qui a été écrit comme poésie d'intervention et comme volonté radicale de ne pas oublier, quoi. Comme on se ferait un tatouage ou comme on se marquerait au fer rouge. J'avais envie de commettre ce livre dans le sens où je voulais me rappeler comment est-ce qu'on avait vécu cette chose, cette espèce de basculement assez étrange qui est tout d'un coup arrivé, alors que nous, jeunes militants, on était en plein dans les gilets jaunes, la ZAD et les marches climat, et que tout d'un coup, tout s'est soudainement arrêté à la faveur du confinement d'une civilisation entière. Et puis on terminera par Pascal et Étienne qui vont venir nous faire le retour de leurs recherches, qui s'intitule, je l'ai noté parce que ça c'est du jargonnage sociologique, ça me fait toujours un peu mal, les cultural studies en contexte d'urgence écologique et de changement social, et qui ont fait le tour de certains groupes d'identités dites subalternes, selon le beau mot de Gramsci, et de la manière dont ces groupes-là ont pu continuer, avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid, à pratiquer des formes de démocratie directe. Je pense que ça... On va commencer par M. Nicolas Thirion. Je vous demande de l'applaudir. Hein, si vous voulez. Ben, merci beaucoup. Et je pense, pour commencer, que s'il y a des non-rationnels, ce sont plutôt les autres que nous qui sont irrationnels. Alors évidemment, voilà, je vais essayer de vous entretenir de quelque chose qui est généralement d'un ennui absolument plombant, c'est-à-dire de la question du droit et de la question du droit dans la gestion de la crise sanitaire. Parce qu'effectivement, nous vivons dans un monde de fiction, dans un monde de mythes. Et parmi les mythes qui nous gouvernent, il y a évidemment celui-ci, c'est que nous vivons en démocratie, d'une part, et que nous vivons dans un état de droit. Et pour résumer, nous vivons donc dans un état de droit démocratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on prend les mots au sérieux? Ça veut dire que dans un régime politique qui serait caractérisé à la fois par une dimension démocratique, d'une part, et par une dimension de l'état de droit, d'autre part, ça voudrait dire, d'une part, que le pouvoir qui est exercé dans un tel régime, trouve sa source dans la souveraineté du peuple, que c'est le peuple qui est souverain, et pour évidemment aménager un peu la solution dans des structures complexes comme un État, cette démocratie ne pouvant être directe, elle passe par l'élection de représentants qui forment ensuite ce qu'on appelle généralement le Parlement ou l'Assemblée législative, et qui sont censés vraiment être des représentants direct de la population. Tous les autres pouvoirs dans l'exercice de l'État, et en particulier le pouvoir exécutif, le gouvernement, est donc censé être strictement sous le contrôle du Parlement, en tant que le Parlement nous représente. Et puis par ailleurs, à côté donc de cette dimension démocratique qui implique souveraineté du peuple, qui implique certes dans une démocratie imparfaite l'élection de représentants et qui implique un contrôle étroit de l'exécutif, notamment du gouvernement, moyennant des procédures de contrôle, de révocation des ministres, etc., etc., il y a l'état de droit. Et l'état de droit, de son côté, c'est un ensemble de principes qui, dans leurs traits idéaux aussi, peuvent être résumés en quelques points. Dans un état de droit, d'abord, bien, il y a le principe de l'égalité et de hiérarchie des normes, c'est-à-dire que dans un état de droit, les normes juridiques sont construites suivant une structure pyramidale, et il va de soi évidemment que les normes les plus basses, telles que par exemple les arrêtés d'un gouvernement ou les arrêtés d'un ministre, doivent scrupuleusement respecter les normes supérieures, et notamment la loi, en tant qu'elle est votée par le Parlement, c'est-à-dire par les représentants du peuple, et la Constitution qui est censée exprimer à un moment donné le consensus social sur lequel un peuple, une population, a décidé de s'unir et de vivre. Donc, premier principe de l'état de droit, le principe de la légalité et de la hiérarchie des normes, le principe évidemment aussi de la sécurité juridique, c'est-à-dire en réalité le principe suivant lequel tout commandement émanant de l'État doit être aisément compris par ceux auxquels il s'adresse, donc l'idée de texte qui soit clair, prévisible, etc., etc. Et puis enfin, à côté de cette dimension formelle de l'état de droit, donc qui est à la fois marquée par la hiérarchie des normes et par la sécurité juridique, il y a des principes qui, si vous voulez, sont des principes liés cette fois-ci à un état de droit qu'on appelle un état de droit matériel ou substantiel et qui s'incarne dans ce qu'on appelle des droits fondamentaux, des droits de l'homme, ou des droits humains, ou des droits qui sont donc protégés généralement dans de tels régimes politiques ou juridiques par un texte qui est situé tout au sommet de la pyramide des normes juridiques et qui, par exemple, vont évidemment garantir des droits qui sont des droits essentiels d'ailleurs à l'exercice de la démocratie, liberté de manifestation, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, et d'autre part des droits fondamentaux plus individuels qui permettent en principe aux citoyens de vivre dans le respect de leur choix personnel. Et par exemple, on peut imaginer à ce titre le droit qu'on appelle le droit à la vie privée et familiale, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre chez soi comme on l'entend. Et donc, un état de droit démocratique, c'est un état qui combine à la fois les traits majeurs de la démocratie, tels que je l'ai entendu, et de l'état de droit. Et il est clair que, notamment en Belgique, et pour certains hommes politiques, la Pologne et la Hongrie, par exemple, ont beau jeu de jouer le rôle de repoussoir, en disant « Regardez, comme la Hongrie et comme la Pologne méconnaissent notamment certains principes de l'état de droit, la liberté de la presse, la liberté de manifestation, etc. » Pour évidemment, en opposition, dire à quel point nous, en Belgique, nous sommes irréprochables. Nous sommes à la fois les plus démocrates et en même temps nous sommes les plus respectueux de l'état de droit. Alors évidemment, cette présentation naïve, faussement stupide, parce que je pense que les gens qui la déploient savent très bien ce qu'ils font, cette présentation-là, elle est erronée, comme vous le savez, à un double titre. D'abord parce que quand je parle de ces principes, de l'état de droit et de la démocratie, ce sont en quelque sorte des idéaux vers lesquels nous tendons ou nous souhaiterions tendre. C'est-à-dire que ce sont des principes qui n'existent pas à l'état pur dans l'organisation sociale. Et par exemple la démocratie, et notamment la démocratie parlementaire, est forcément une forme imparfaite, puisque d'une façon ou d'une autre, ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui décident, mais ce sont des représentants élus par eux. Et donc la démocratie suppose un tel nombre ou une telle série de critères exigeants qu'elle n'existe jamais tout à fait à l'état pur dans une société. Première chose qui fait qu'il est erroné de prétendre, pour quelque état que ce soit d'ailleurs, qu'ils ont réalisé l'idéal de l'état de droit démocratique. Mais surtout, évidemment, il y a des périodes au cours desquelles les États, et en particulier le nôtre, durant la période Covid, non seulement évidemment ne se rapprochent pas de l'idéal, mais s'en éloignent de plus en plus. Et nous avons vécu quelque chose, évidemment, que beaucoup d'entre nous, même moi, malgré mon âge canonique, n'avions jamais connu, quelque chose en tout cas que ceux qui n'ont pas connu, disons, les deux guerres mondiales, et qui ont vécu, si vous voulez, dans une époque qui était marquée par le recul des conflits militaires, par, en tout cas pendant les Trente Glorieuses, une certaine augmentation de la prospérité générale. Nous avons vécu une période absolument inédite, unique, qui est la période pendant laquelle, au fond, nous avons délibérément, quoique en ne l'avouant pas, nous avons, j'entends par là, les autorités politiques, ont délibérément mis de côté et littéralement froissé et les principes démocratiques élémentaires et les principes de l'état de droit, au nom d'une urgence, on a parlé d'une urgence, qui est un petit peu désormais l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques depuis quelques années. C'est-à-dire que toutes les politiques publiques désormais sont déclinées sous la forme de l'urgence. L'urgence sanitaire, l'urgence climatique, l'urgence écologique, etc., etc. Alors évidemment, nul ne nie que ces problèmes existent, mais dans la bouche des gouvernants actuels, en tout cas en Belgique et dans l'Union européenne, ce type d'argument tiré de l'urgence est un argument qui vise en réalité à faire passer la pilule de procédures, de décisions, qui précisément en viennent à nier à la fois les principes élémentaires de la démocratie et d'autre part les principes élémentaires de l'état de droit. Au nom de l'urgence, en quelque sorte, il faudrait instaurer un état d'urgence. Le problème, c'est que, puisque les urgences se succèdent, au fond, il n'y a plus véritablement d'état ordinaire, mais il n'y a qu'une succession d'états d'exception. Et je trouve que la crise Covid a montré cela. J'essaierai de faire un lien avec d'autres problématiques pour terminer. C'est-à-dire qu'elle a montré à quel point il est facile de mettre sous le boisseau les principes que nous estimons pourtant si évidents et si bien respectés sous nos contrées. Alors je vais essayer de vous montrer en quoi, finalement, à la fois dans l'organisation des pouvoirs tels qu'ils existent dans l'État belge et dans la réaction et des médias et de l'opinion publique, en quoi finalement ces principes fondamentaux ont été largement mis à mal. D'abord, je vous ai dit, dans l'idéal de démocratie, même représentative, le Parlement a un rôle central à jouer. A fortiori, lorsqu'il s'agit, comme ce fut le cas en l'espèce, lorsqu'il s'agit au nom d'une urgence sanitaire, de venir restreindre ces fameux droits fondamentaux dont je vous ai dit qu'ils étaient l'un des aspects de l'état de droit. Ces droits fondamentaux-là, liberté de manifester, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de manifestation, liberté de rassemblement, ces principes fondamentaux, certes, ne sont pas absolus. Il est possible de les restreindre en raison d'un motif d'intérêt général, mais pourvu que l'on motive adéquatement le motif d'intérêt général, par exemple la santé publique ou la sécurité publique, et pourvu surtout qu'on montre que les atteintes aux droits fondamentaux sont des atteintes qui sont nécessaires pour réaliser l'intérêt général poursuivi, et qu'il n'y a donc pas de moyens moins attentatoires aux libertés publiques que celles qui sont choisies. Or, vous le savez, premier constat, c'est que dès que la crise sanitaire s'est ouverte, le Parlement, c'est-à-dire ceux qu'on appelle dans la Constitution les représentants de la nation, ont été absolument absents du débat. Et au reste, on ne les a pas réunis, puisqu'évidemment, les réunir risquait de les contaminer. Et effectivement, les parlementaires, loin de s'offusquer, hein, de cette mise à l'écart, ont parfaitement admis la situation. Alors évidemment, là aussi, on voit peut-être surgir quelque chose qui est un des premiers enseignements de la crise sanitaire, c'est que les problèmes que nous pointons pendant la crise sanitaire sont des problèmes qui sont probablement issus de difficultés antérieures. C'est-à-dire que la crise Covid a agi moins comme un déclencheur d'innovation radicale que comme un révélateur de dérives antérieures. Et la dérive ici, c'est la dérive d'un Parlement qui est essentiellement ligoté par le principe des coalitions gouvernementales, le principe des coalitions de majorité, où, par exemple, des partis qui prétendent être à la gauche de l'échiquier politique ont, en raison de la solidarité gouvernementale, tous admis les mesures qui, si elles avaient été prises par un gouvernement MRNVA, auraient sans doute suscité des cris d'orfraie parmi ces mêmes partis de gauche. Donc il y a d'abord, premièrement, le fait que les élus de la nation ne sont pas intervenus, même pour autoriser le gouvernement à décréter l'état d'urgence. En France, par exemple, même un gouvernement comme celui de M. Macron, et même dans un gouvernement qui est un gouvernement dans un régime extrêmement favorable à l'exécutif, a été contraint de demander la confiance du Parlement, en tout cas de demander un vote du Parlement pour obtenir un état d'urgence sanitaire. Il a dû repasser par trois fois devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, pour obtenir la prolongation de l'état d'urgence. Alors évidemment, vous me direz que là aussi, le fait majoritaire est tel que les députés sont des godillots et qu'ils votent ce qu'on leur dit. Enfin, bon, il est quand même frappant que même en France, il ait fallu en passer par là, alors qu'en Belgique, pendant presque deux ans, le gouvernement a agi sans la moindre intervention des parlementaires. Alors, le prétexte était qu'il existait, dans l'arsenal des lois existantes, il existait une loi qui permettait au ministre de l'Intérieur, d'abord, qui était M. de Crème et puis Mme Verlinden, ou Van der Linden, je ne sais plus, peu importe, et qui leur permettait de prendre seuls des arrêtés ministériels qui, effectivement, permettaient de fermer les commerces, permettaient de vous obliger à rester chez vous, vous obliger à ne fréquenter en principe que 2, 3, 5 personnes, interdisaient les rassemblements, interdisaient les manifestations, c'est-à-dire, au fond, des mesures absolument exceptionnelles. Et cette loi, c'était une loi sur la sécurité civile qui avait été adoptée en 2007 à propos ou à la suite d'un incident que vous avez peut-être connue, ou dont vous vous souvenez peut-être, qui était la fameuse catastrophe dite de Guilanguien, c'est-à-dire une catastrophe où, à la suite d'un accident de chantier, un engin avait percuté une canalisation de gaz, il y avait une explosion, il y avait eu des morts, et donc l'idée c'était qu'il n'existait pas, à l'époque où cette loi a été adoptée, de mesures permettant aux autorités ministérielles d'obliger les personnes à se tenir à l'écart d'endroits aussi dangereux qu'un endroit où vient d'exploser une canalisation de gaz. Vous voyez que le rapport entre ça et une crise sanitaire est relativement ténu. C'est-à-dire dire que le ministre de l'Intérieur a des pouvoirs aussi étendus que pendant plusieurs mois d'affilée d'être capable d'interdire les manifestations, d'interdire les rassemblements, de punir les gens qui marchent pendant la nuit dans la rue. Que tous ces pouvoirs-là, du ministre de l'Intérieur, viennent d'une loi qui a d'abord été pensée exclusivement pour permettre au ministre, pendant un temps limité, de tenir la population à l'écart d'un lieu dangereux. Donc c'est ce qui s'appellerait, disons, du point de vue juridique, une sorte de détournement de pouvoir. On utilise une loi pour prendre des mesures que le législateur qui a adopté cette loi n'avait évidemment pas imaginées. Mais qu'importe, l'exécutif fait ça, le Parlement continue de ne pas réagir, et, troisième pouvoir, qui est intéressant, à un moment donné, certaines personnalités, certains citoyens, certaines associations décident quand même, à un moment donné, une fois l'effet de sidération du premier confinement terminé, là où effectivement on pouvait imaginer que les premières semaines de découverte d'un virus possiblement meurtrier puisse justifier pendant quelques jours ou quelques semaines un régime d'exception, non, ça a continué pendant des mois, et donc au bout d'un certain temps, un certain nombre de citoyens ou d'associations ont donc tenté de se dire, le Parlement restant muet et l'exécutif n'ayant apparemment devant lui aucune limite, nous allons saisir le juge, nous allons saisir des juges qui vont évidemment, puisqu'ils le disent souvent, notamment les associations de magistrats, les syndicats de magistrats, ils sont les gardiens du droit, eh bien, ils seront les derniers remparts de l'état de droit démocratique, puisque le Parlement ne fait rien et que l'exécutif s'en donne à cœur joie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces juges qui, en temps ordinaire, là aussi, ne manquent jamais d'invoquer et d'évoquer leur attachement à l'état de droit, se voient comme les gardiens, les soldats de l'état de droit, eh bien, ont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, et ce qui est intéressant évidemment de noter, c'est que plus ils étaient élevés dans les hiérarchies judiciaires, moins ils étaient courageux et indépendants, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ont, par des mécanismes à la fois d'interprétation des textes, ont, pour beaucoup d'entre eux, avalisé ce qui s'apparente pourtant bel et bien à une dérive ou à un détournement de pouvoir, une dérive autoritaire. Donc en réalité, tous les rouages de ce qu'on appelle les grands pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire ou juridictionnel, ces trois pouvoirs se sont littéralement laissés entraîner dans une spirale où tous les principes dont je vous ai parlé, hein, les principes de la démocratie et de l'état de droit, ont été manifestement bafoués. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, ben, puisqu'il en est ainsi, les citoyens, la population, et ces fameux chiens de garde de la démocratie, que sont censés être les organes de presse, hein, puisque là aussi, de manière très autosatisfaite, les organes de presse aiment souvent à évoquer cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, où ils sont présentés comme les chiens de garde de la démocratie. Eh bien, ni la population en général, je veux dire dans sa majorité, ni les organes de presse ne se sont véritablement émus d'une situation comme celle-là. Alors évidemment, certains ont évoqué le fait que, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu par conséquent des objectifs à atteindre, c'est-à-dire des objectifs de sauvetage des vies humaines, eh bien, on pouvait en quelque sorte admettre de telles dérives. Ce qui remet sur le tapis une question qui est une question fondamentale en philosophie politique, et même dans la vie de tous les jours, mais une question morale, et cette question c'est celle-ci, c'est est-ce que, en raison des fins que l'on s'assigne, tous les moyens peuvent être utilisés. Et donc, la question plus fondamentale, dans un régime politique démocratique respectueux de l'état de droit, est-ce que tous les moyens sont bons au nom d'un objectif, aussi louable fut-il ? Je passe sur la question de l'exagération, éventuellement de la maladie. C'est-à-dire, je ne passe même pas, je ne vais pas poser ou je ne vais pas prendre position sur des questions médicales ou virologiques, je n'y connais rien. Mais supposons même que l'objectif était celui-là, qu'il était sincèrement celui-là, et qu'il était donc louable. Supposons même cela. Est-ce que ça autorise, au fond, dans un État démocratique, dans un État qui se prétend démocratique et respectueux de l'État de droit, est-ce que, au nom de ces fins, les moyens peuvent être n'importe lesquels ? Eh bien, nous avons eu la réponse qui est, semble-t-il, que pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, finalement, oui. C'est-à-dire, d'un côté, une population où on a dressé les gens les uns contre les autres, et surtout que l'on a tétanisé par la peur. Et la peur, évidemment, est, pour le coup, là, l'exact inverse de la rationalité. Et donc, en faisant peur, on a eu une population qui était prête à se plier non seulement à tous les abus, mais à toutes les absurdités qui nous ont été, d'une façon ou d'une autre, imposées. Je vous rappelle, par exemple, j'aurais bien voulu faire à un moment donné, je crois que je le ferai un jour, mais il faudrait se replonger, toutes les mesures idiotes, mais réellement idiotes, c'est-à-dire là, pour le coup, sans aucun fondement rationnel, qui ont été mises en place. Alors, il y en a une dont je me souviendrai toute ma vie, je crois, c'est celle des voyages en train. À un moment donné, là, on approchait de la libération, où pour aller à la mer, il fallait à tout prix, et on était obligé, sous peine d'amende, de s'asseoir sur les sièges proches des fenêtres pour laisser une distance entre les passagers. Donc, vous risquiez l'amende si vous vous asseyiez à trois, en tout cas l'un des trois risquait l'amende puisqu'il n'était pas assis près de la fenêtre. Par contre, au retour, vous aviez parfaitement le droit de le faire. Et donc, là, pas de temps. Mais c'est à la fois ridicule, drôle, mais inquiétant que on ait admis ça parmi d'autres, mais beaucoup d'autres choses. Donc une population qui, manifestement, tétanisée par la peur, peut se laisser littéralement aller à ce qu'on appelle la servitude volontaire. Donc les citoyens qui, dans un régime démocratique, sont censés être, pour le coup, les possesseurs en dernière instance de la souveraineté, et qui sont donc par conséquent censés être les ultimes, eux, défenseurs d'un régime démocratique, c'est-à-dire d'un régime où le pouvoir est censé être exercé par le peuple. Eh bien, on a vu que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, au fond, se laissent guider par la peur et par les conséquences qu'on y attache, sans difficulté. Quant aux chiens de garde de la démocratie, hein, que sont les organes de presse, ben, on a vu également quel sens de l'indépendance, de l'esprit critique, ces derniers ont fait preuve, dont ils ont fait preuve pendant toute cette période. Et je voudrais, comme ça je ne vais pas trop abuser de votre temps, mais je voudrais justement essayer de mettre en perspective cette séquence qui est à la fois quand même assez extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et donc, comme l'a dit Roland, et comme l'a dit une amie réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Entre-temps et qui était consacré à l'impact sur les jeunes, sur la jeunesse de ces périodes de confinement, c'est qu'on n'en parle plus. Ou plus exactement, c'est plus ou moins derrière nous, mais on a vu que, je ne sais plus quel est le nom du nouveau variant, enfin peu importe, Eris, oui, bon, qui implique que dans la presse, on se dise déjà, tiens, est-ce qu'il ne faudra pas rendre le masque à nouveau obligatoire dans les lieux publics, etc. Bon, c'est quand même derrière nous. On aurait pu s'attendre à un bilan, à des débats, à éventuellement des discussions sur le sujet, voire à des contestations majeures. Et on a vraiment l'impression, de nouveau, par une sorte de complicité, consciente ou pas, entre d'une part les autorités politiques et d'autre part une grande partie de la population, que ce débat n'a pas lieu. Et que par conséquent, on peut se demander si il suffira, dans quelques mois ou quelques années, d'invoquer je ne sais quelle urgence, de je ne sais quel type, très honorable à nouveau, parce que la santé c'est honorable, l'écologie c'est honorable, évidemment le climat c'est honorable, mais au nom de ces causes honorables, est-ce qu'il ne sera pas encore plus facile d'imposer des mesures qui sont des mesures en vérité qui n'ont pas été validées démocratiquement d'une part et qui n'ont pas été prises en respect des principes de l'état de droit d'autre part? Ou pour dire autrement les choses encore, est-ce que finalement le régime de l'état de droit démocratique ne va pas être considéré de plus en plus et de façon de moins en moins cachée comme un, comment dirais-je, comme un cadre politique et juridique dépassé, où effectivement on n'a plus besoin d'une certaine façon de la délibération parlementaire, on n'a plus besoin de respecter les principes liés à l'état de droit parce qu'ils sont des entraves à des mesures efficaces, et par conséquent, si on n'est pas en train de passer lentement vers une sorte de permanence de ce qu'un juriste allemand peu sympathique qui s'appelait Carl Schmitt a appelé l'état d'exception. Alors, c'est un homme pas sympathique, ce Carl Schmitt, mais c'est un homme qui avait des capacités d'analyse assez fortes, puisque lui-même disait finalement que tout ordre juridique, même un ordre juridique démocratique, il parlait à cette époque-là sous l'empire de la République de Weimar, donc sous le premier régime de démocratie parlementaire ou semi-parlementaire de l'Allemagne contemporaine, il disait au fond, tout État confronté à une menace existentielle doit pouvoir, que ça soit prévu dans les textes ou pas, mais doit pouvoir suspendre l'application des normes en vigueur, des normes juridiques en vigueur, donc doit pouvoir suspendre, par exemple, la délibération parlementaire, doit pouvoir suspendre les droits fondamentaux pour sauver l'État de la menace existentielle qui le guette. Sauf que, qui décide s'il y a ou pas menace existentielle, ce n'est évidemment pas vous ou moi, mais c'est l'État, ou c'est plutôt l'appareil d'État, qui décrète, oui, il y a menace existentielle, et qui s'autorise par conséquent à établir un état d'exception. Et c'est cette menace-là qui me paraît la plus grave et qui me paraît devoir être mise en débat, parce que cette tentation-là, cette tentation de l'état d'exception, elle n'est pas, justement, à nouveau ici, neuve. Elle n'est pas une invention du temps du Covid, mais elle est une invention dans les démocraties contemporaines qui commencent déjà à être anciennes. Je ne sais pas quand on peut la dater exactement, mais je sais probablement qu'il y a une date symbolique très forte qui établit cette sorte de lien implicite avec la crise du Covid, c'est le 11 septembre 2001. Et c'est, au fond, l'idée que, là aussi, les États, et entendu les États-Unis, sont considérés comme étant dans une situation de menace existentielle, menaçant leur existence même, et qui les a autorisés à prendre des dispositifs juridiques, qui sont évidemment des dispositifs juridiques entièrement attentatoires aux libertés fondamentales, et en particulier aux droits garantis par la Constitution américaine. Et comme nous sommes très friands de l'influence américaine, en Europe, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'on a décidé que, au fond, les crimes de terrorisme sont... Alors, je n'ai pas de sympathie pour les terroristes, faut-il le dire, mais les crimes de terrorisme... Mais dans un état de droit, les terroristes, comme tous les autres délinquants, devraient pouvoir bénéficier des mêmes garanties en termes de procédure, en termes de respect des droits de la défense, etc. etc. Et on a petit à petit miner les dispositifs pénaux pour faire une place à un droit d'exception, à un droit antiterroriste, dont on nous a dit au début, on est bien obligé de faire ça pour parer à la menace terroriste, on est obligé de faire ça, mais rassurez-vous, c'est une exception. Et c'est temporaire. Sauf que, on voit en matière pénale que depuis 2001, d'abord, ces dispositifs antiterroristes n'ont jamais été abrogés, c'est-à-dire que même dans les périodes relatives à calmie, on n'a jamais retiré ces dispositifs, mais surtout que les limitations aux garanties du procès équitable, les limitations des droits de la défense, les limitations des garanties individuelles que portaient ces dispositifs antiterroristes ont ensuite été étendues à d'autres catégories de crimes et délits, tels que, par exemple, le trafic de drogue, ou le blanchiment d'argent, où on a décidé, par exemple, que certaines écoutes téléphoniques qui auraient été auparavant jugées illégales devaient être considérées désormais comme légales dès lors qu'il s'agissait de lutter contre le blanchiment ou contre le trafic de drogue. Encore une fois, il ne s'agit pas de valoriser ou de glorifier certains crimes ou certains délits, il s'agit de mettre en lumière le fait que, eh bien, il y a des crimes et des délits à l'égard desquels, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, on estime qu'il est normal de s'attaquer en limitant les principes sur lesquels se fondent pourtant les démocraties libérales, les états de droit démocratiques. Et au fond, on a vu ça dans le domaine du terrorisme, on a vu ça dans le domaine sanitaire, on a vu, encore une fois, que avant les crises sanitaires, précisément certaines crises sociales ont été gérées sur ce mode-là, sur le mode de l'exception. Je pense évidemment aux Gilets jaunes et à la façon dont les forces de police ont géré la manifestation. Et je pense évidemment aujourd'hui à certaines libertés, si je puis me permettre, que les forces de l'ordre ont fini par prendre à l'égard des citoyens que nous sommes, puisqu'on a cessé de leur dire pendant la crise sanitaire, vous avez toute liberté pour verbaliser, arrêter, emprisonner, etc. On ne s'étonne pas, évidemment, qu'après, quand un jeune type roule sans permis dans une voiture et tente de s'enfuir, mais sans aucunement menacer la vie du policier en question, que les syndicats de police puissent trouver absolument normal et ne puissent trouver plus à la fois normal la réaction du policier et anormal le fait qu'il puisse être en détention préventive. Alors que si vous ou moi nous tirions sur quelqu'un, je pense que si nous tirions sur quelqu'un sans qu'il soit établi que notre vie est menacée, je pense qu'on nous mettrait en détention provisoire sans difficulté. Donc il y a, si vous voulez, quelque chose qui ressemble très fort à l'état d'exception de Schmitt, c'est-à-dire une suspension des principes fondateurs des états de droit démocratique au profit d'un état d'exception, mais qui devient une sorte d'état d'exception de plus en plus permanent, puisque, encore une fois, chaque crise justifie un état d'exception, et que dans cet état d'exception, évidemment, ce soit l'exécutif, c'est-à-dire ce soit le gouvernement et les forces de l'ordre qui dépendent de l'exécutif, qui, de plus en plus, deviennent littéralement le noyau de fonctionnement quotidien de l'État, des États européens. Et que cette situation se déroule maintenant sans qu'aucun débat n'ait lieu à ce sujet. Alors, je vais de nouveau pas trop allonger la sauce, mais je prends l'exemple tout aussi évident, bien que de nouveau tout à fait tristement normal, des condamnations de l'État belge pour ce qui concerne notamment l'hébergement des migrants. L'État belge a été condamné par des juges. Il y a des décisions de justice par dizaines, voire par centaines. La Cour européenne des droits de l'homme a, dans une procédure d'urgence, établi les manquements de l'État belge. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et donc, à mon avis, et j'en terminerai par là, ce qui, du point de vue à la fois politique et juridique, me paraît vraiment essentiel dans la veille, ou en tout cas dans la réflexion que nous devons avoir, c'est est-ce qu'il est encore possible d'imaginer que ces états de droit, ces états qui se revendiquent des états de droit démocratiques, puissent être efficacement contenus, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une contestation suffisamment forte? Si oui, comment la mener? Et par ailleurs, est-ce que nous sommes encore en mesure de changer ce cours des choses, ou est-ce que, fondamentalement, nous ne nous laissons pas entraîner de façon, disons, de plus en plus inconsciente, mais en même temps sans trop de contestation, vers un mode de gestion autoritaire de l'État et de la société? Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un constat en disant « c'est ça qui se passe » ou « c'est ça qui va se passer », mais il s'agit de se dire, est-ce que, au fond, il ne serait pas intéressant, il ne serait pas temps, à un moment donné, de faire retour sur cette période, mais de faire retour sur cette période en montrant qu'elle n'est pas l'exception qui confirme la règle, mais quelle est l'exception qui devient la règle? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, c'était en tout cas Thirion, pour ma part, je sais ça bien. Conférence au fond d'une librairie à Bruxelles, vous n'êtes pas avec ça. De moins en moins. De moins en moins. Avant qu'on passe à une possibilité de questions-réponses autour de l'exposé de Nicolas, j'ai manqué à mon devoir d'hôte et j'ai oublié de présenter le quatrième temps de la soirée, à savoir Mandrilkin, qui est juste là, et qui va nous faire une performance qui s'appelle Confin, donc qui est vraiment en thème avec ce qui se passe ce soir. Je ne vais pas la présenter moi-même, je vais vous lire le texte qu'il m'a envoyé et puis vous jugerez de vous-même si c'est un prof d'université ou pas. Donc, dans Confin, Mandrilkin combine musique expérimentale improvisée et visuel semi-génératif autour des notions de limites et de frontières à la fois comme entité, engendrant rupture et séparation, mais aussi, en s'inspirant de la notion d'écotone, de l'expression de vivre aux confins, comme lieu en soi et interface pouvant offrir à qui peut les saisir des conditions d'habitabilité, des libertés propres. Si quelqu'un a compris ce truc, je suis assez curieux qu'il me l'explique. Deux, trois notions vite fait. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question vis-à-vis de ce qui s'est déjà dit ici? Moi, je me demandais, parce que, bon, évidemment, votre exposé, il se situe très fort sur le droit, et c'est tant mieux comme ça. Maintenant, bon, nous, on a des petites impressions de citoyens et des petites théories qui nous viennent par la tête. Je me demandais finalement aussi, parce que c'est vrai, je vous entendais par exemple dire qu'à cause du jeu des coalitions, la gauche autrement aurait crié au scandale vis-à-vis de ce qui s'est passé. Moi j'ai l'impression aussi que, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a une génération politique aussi qui est beaucoup plus à même que les générations précédentes qui notamment par exemple avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, de près ou de loin, qui a une génération politique qui est un peu plus à même aujourd'hui à outrepasser ses libertés par oubli aussi du passé, justement. Moi, j'ai l'impression qu'on a passé une nouvelle, enfin, on a passé une génération politique qui, c'est beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, hein, les Macron, les machins, les Decaux, compagnie, qui ont, j'ai l'impression, un petit sentiment de devoir s'imposer dans l'histoire, de faire l'histoire, surtout que toutes ces entités que vous avez énumérées ont perdu quand même beaucoup de pouvoir, par exemple, au profit des institutions supranationales. Et j'ai l'impression qu'ils ont besoin, ce besoin de gesticuler, d'exister, à travers la petite méchanceté, le petit truc facile. Et puis, voilà, aussi, comme je dis, cette facilité, enfin oui, c'est ce truc générationnel qui fait qu'ils ont, j'ai presque l'impression, oublié ce qu'a été le pire, sans faire un point Godwin, hein, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'on devrait aussi peut-être commencer à s'intéresser à qui nous gouverne en ce moment. Voilà. Je suis en accord avec vous, simplement moi en ce qui me concerne, voilà, donc j'ai essayé de rester dans mon champ de prétendues compétences, et donc il y a à mon avis plusieurs explications de cette dérive vers, au fond, une gestion de plus en plus souvent policière, d'une façon ou d'une autre, des questions, qu'elles soient sanitaires, sociales ou autres. C'était quand même frappant qu'une question de santé publique, enfin qui est censée être de santé publique, soit essentiellement gérée, en Belgique, par des dispositifs pénaux, c'est-à-dire en réalité par des dispositifs qui consistent à criminaliser des comportements. On aurait pu miser sur la confiance, on aurait pu miser sur des choix mûrement réfléchis, mais collectifs. Je n'ai pas vraiment de détails très précis. Mais je sais par exemple que dans certains pays scandinaves, notamment la Suède, et sans vouloir l'ériger en exemple, hein, ils ont opté pour quelque chose de beaucoup plus consenti. Donc on n'est pas dans la répression immédiate, on n'est pas dans des arrêtés qui, comme en Belgique, dès le 13 mars, disent « vous serez condamné à autant si vous sortez de chez vous », etc. Donc il y a un mode de gestion autoritaire de l'État qui effectivement change très fort probablement des Trente Glorieuses, c'est-à-dire change très fort de l'époque des années 60 ou 70, où malgré le fait que certaines manifestations ou que certains actes collectifs aient été, d'une façon ou d'une autre, encadrés, voire réprimés par la police, on avait progressivement quand même délaissé ce modèle-là pour d'autres modèles de régulation des relations sociales. Alors, il doit sans doute y avoir, dans les facteurs qui expliquent le recours à la solution de facilité, c'est-à-dire la solution policière, en fait, il doit sans doute y avoir une question générationnelle. C'est-à-dire il y a des gens qui, effectivement, qui à la fois sont plus jeunes et surtout n'ont manifestement ni conscience ou ne veulent pas tout simplement se souvenir des dérives que ce genre de pratique conduit. Par exemple, je prends un exemple historique et sans faire le point de Godwin non plus, mais la République de Weimar, au fond, s'est terminée sur un modèle très autoritaire. C'est-à-dire que dans les trois dernières années de la République de Weimar, c'était des gouvernements minoritaires, c'est-à-dire que c'était des gouvernements qui n'avaient pas la confiance du Parlement et qui vivaient à coup de décrets d'état d'urgence, soi-disant pour sauver l'Allemagne. Et quel a été l'effet de cette façon de gérer autoritairement la République de Weimar? Ça n'a pas été la remise en sur pied de la République de Weimar, ça a été pire. Un peu comme on pourrait dire en guise de boutade que le fait que Macron et Darmanin en France accentuent la dimension de répression policière de certains mouvements sociaux va remettre de l'ordre, alors que la principale issue peut-être sera tout simplement de rendre tout à fait normal et sans aucune difficulté l'élection de quelqu'un d'autre en 2027 qui sera encore plus à droite. Donc voilà, je pense qu'il y a, c'est un des facteurs à mon avis explicatif, mais il y en a d'autres. Mais je vous avais raison sans aucun doute. Non mais même sur le manque de sang-froid, moi je trouve. Par exemple, voilà, je veux dire des gens qui mine de rien, avait quand même vécu... je prends un exemple des exemples français. Mine de rien, avait vécu la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre, avait résisté, machin. Bon, voilà, face à 68, avait l'air un peu plus serein que le mec qui doit crever des yeux à des gilets jaunes pour s'en sortir. Quoi. Voilà. Tiens, je veux dire un truc sur la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il y a aussi une analyse qui n'a jamais été faite, c'est que le national-socialisme, Hitler, c'est, il se fait élire... Et puis il profite d'un attentat terroriste au cœur de la capitale, le fameux incendie du Reichstag, pour voter un décret, enfin pas voter, je sais pas comment on dit, enfin faire passer un décret, quoi, qui s'appelle le décret de protection du peuple et de l'État. Dit comme ça, c'est cool, protection du peuple, enfin c'est cool, ça va. En fait, c'est une pure loi d'exception, ils ont le droit de fouiller tous les communications télégraphiques, comme ils disaient à l'époque, de manière touchante, quoi. Et c'est pendant 13 ans. Ça a été un état d'exception qui s'est prolongé. Mais pendant 13 ans, jusqu'en 45, le Parlement existe en Allemagne. Les mecs, les parlementaires, ils vont au Parlement, mais ils servent à rien. Tu vois, ils servent de décorum, quoi. Ils ont suspendu le... Mais officiellement, c'est resté un état démocratique, l'Allemagne. Il y a juste un type qui a fait passer un état d'exception. Il y avait tous les droits, quoi. Le gouvernement avait tous les droits. Avec en plus la petite touche hitlérienne, le mec surhomme qui dirigeait tout personnellement par téléphone, etc. Mais j'étais étonné tout à l'heure quand vous avez mis un peu de suspense pour dire le premier état d'exception, enfin de la période contemporaine. Oui. Vous avez raison de faire parce que c'est le lien est direct avec nous. Oui. Mais la Deuxième Guerre mondiale, enfin. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que dans les débats qui ont eu lieu après dans les milieux juridiques plus ou moins, qui était de dire bon, en Belgique, on n'a pas donc. Ce qui s'est passé en 1933, c'est que la constitution de Weimar contenait un article 48 qui donnait au président de la République, au président du Reich, la possibilité de prendre un décret d'exception, donc qui suspend la constitution pour des raisons d'ordre public, machin, tout ça. Bon. Donc la constitution prévoyait ça. Et nous, en Belgique, ce qui rend les choses encore plus, au fond, plus étranges, et en tout cas plus anticonstitutionnelles encore, c'est que nous avons un article 187 de la Constitution qui dit « En aucun cas, la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie ». En réalité, les constituants de 1831 ont décidé qu'on ne pouvait pas déroger à la Constitution. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient peut-être pas toutes les situations, mais ils disaient en gros ben, « Les droits des Belges, les droits fondamentaux, doivent être respectés, quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment un des fondements de l'État libéral ». 1831. Et alors, vu le Covid et vu le fait que on ne pouvait pas, malgré les inventions de certains juges, on pouvait difficilement ne pas voir dans la période Covid une période où la Constitution a été quand même malmenée sur un long terme, alors certains juristes ont émis l'idée qu'il serait peut-être bien alors de prévoir explicitement dans la Constitution un état d'exception, puisqu'on en avait eu un de fait, et que par conséquent, au moins, ça pourrait l'encadrer. Mais l'exemple que vous donnez est tout à fait significatif de pas du tout, parce qu'un article qui prévoit la possibilité d'un état d'exception sera forcément vague. Et donc, il suffira que l'autorité compétente pour prononcer l'état d'exception décide qu'il y a un état d'exception pour que tout soit suspendu, c'est-à-dire pour que les droits fondamentaux soient suspendus. Donc, l'exemple de l'article 48 de la Constitution de Weimar devrait au contraire nous dire, écoutez, non, jamais de la vie, n'admettons jamais de la vie un tel article. C'est un rêve de juriste pour pouvoir, au fond, encadrer l'inencadrable. Un état d'exception n'est pas encadrable d'une façon quelconque, puisque le but, c'est que, justement, aucune limite ne va s'imposer au souverain pendant la période de l'état d'exception. Donc, dire, on va faire un état d'exception, mais un état d'exception qui va vous limiter, c'est une sorte de contradiction dans les termes. Donc, au moins, assumons clairement, comme on l'a vu maintenant, assumons clairement qu'il y a eu violation délibérée et pendant une période très longue de la Constitution et des droits fondamentaux des Belges. Ça me paraît moins malhonnête et moins hypocrite. Moi, j'ai une petite question. J'ai posé pourquoi penser une sorte de vengeance, à l'instar d'une occasion réelle pour créer de nouvelles normes. Qui plus est, au regard du climat, de la culture et d'une urgence d'une possible troisième voie, peut-être d'un contre-pouvoir. Oui, non, mais je crois qu'effectivement, à la différence d'un certain nombre de personnes, je ne crois pas qu'il y ait eu un plan délibéré d'accroissement des pouvoirs de l'exécutif. Je ne crois pas qu'ils se sont dit « chouette ». Et donc nous allons évidemment en profiter. Mais simplement, en pratiquant l'état d'exception, ils ont fini par s'y sentir bien, en quelque sorte. Je veux dire que les autorités... Oui, mais pourquoi pas sortir de cet état de vengeance, se dire de les accuser, de dire ils ont fait tort, et de penser autrement à ce qui a vraiment existé. Quand on était pendant la période du Covid, on entendait bêtement, les oiseaux, le silence. Il y a plein de gens qui ont commencé à créer, qui ont commencé à rêver, à imaginer. Et pourquoi ce ne serait pas une occasion ça a été en tout cas un espoir qui a été de dire le Covid, en tout cas, mais pour le premier confinement uniquement, où on s'est dit effectivement le rythme de la vie ralenti, effectivement plus de pollution dans les airs, etc., etc. Et donc, en effet, il y a eu, mais pendant un bref moment, l'illusion que cette exception allait pouvoir permettre de penser, de déboucher sur un autre monde avec des relations différentes. Or, ça, c'était une illusion de la première, du premier confinement. À partir du deuxième et du troisième, on s'est rendu compte que le but du jeu n'était pas du tout, chez les gouvernants en particulier, d'amener une population à être mieux, etc. Puisque, d'ailleurs, les professions les plus... les professions les plus difficiles ont toujours été contraintes de travailler d'une façon ou d'une autre. Je veux dire que les professions de soins, mais aussi le ramassage des ordures ménagères, etc., etc., n'a jamais été interrompu. C'est-à-dire que l'idée des petits oiseaux qui chantent et de la pollution qui diminue, c'était bien, en effet, pour des gens qui ont pu télétravailler, ont pu vivre chez eux tranquillement, etc. Sauf qu'une bonne partie de la population, elle n'avait pas le choix. Elle était obligée quand même d'aller travailler. Et alors, ensuite, alors quand sont revenus des temps plus normaux, on a complètement vu que, en effet, il fallait revenir à un mode de vie, de production, etc., qui était le même, exactement le même qu'auparavant. L'économie a repris comme auparavant, et il n'y a pas eu dans les politiques des gouvernements européens et a fortiori américains de volonté de transformer, de faire alors. On pourrait dire, la culture de a faire quand même saisi le Conseil d'État, quoi. Oui, elle a saisi le Conseil d'État. Elle a fini par avoir un tout petit peu raison tout à la fin, parce que les pauvres, ils ont fermé quand même pendant, pendant plusieurs mois, et ce n'est qu'à la toute fin quand vraiment l'argument du gouvernement était absolument nul, enfin absolument non justifié. Hein. Pourquoi différencier les secteurs de la culture de l'horeca alors qu'il y a même moins de danger dans le secteur de la culture? Ça... Effectivement, mais ça n'a pas changé les modes de relation entre les gens. Ça n'a... Donc, en fait, c'est une épreuve. Le Covid a été une épreuve sanitaire, mais aussi politique, dont je ne vois pas pour l'instant quelle utopie ou quelle amélioration cette période a permis. Moi, je trouve que c'est clair. Oui. Ah bon. J'avais une simple question. Tu disais 2001, effectivement, à un moment. Mais je pense au bouquin de Patrick Zilberman, Tempête microbienne, écrit en 2013, où il explique très bien qu'en fait, c'est plus ou moins une dizaine d'années avant 2001 où se met en place des politiques de santé publique, où on parle de prix par nest et de worst case scenario, et que donc la santé publique a tendance à s'inscrire de plus en plus comme une branche de l'armée, quoi. Donc est-ce que ça explique le traitement pénal, vu que finalement la santé publique est de plus en plus considérée comme une branche faisant partie de l'armée. Probablement qu'il y a de ça. Et d'ailleurs, au demeurant, le rapport est là, parce que le terroriste est présenté comme un ennemi intérieur, un ennemi. Et lorsque on a commencé à prendre des législations d'exception à l'égard des terroristes, au fond, les gens se sont dit, beaucoup, au fond, c'est vrai que c'est peut-être dommageable, mais ce sont quand même des terroristes. Et nous, nous sommes des gens bien, donc par conséquent, on ne sera jamais terroriste. Sauf que l'expérience du droit pénal Covid, c'est-à-dire des infractions Covid, c'est de faire de nous potentiellement, chacun, des petits terroristes. Alors, pas des terroristes qui vont pouvoir tuer tout le monde d'un coup, mais puisque, en effet, on présentait la contamination comme étant susceptible, nous étions chacun. Et alors, effectivement, moi, je me souviens très bien d'avoir lu dans une revue juridique sérieuse, enfin apparemment sérieuse, un type qui commentait les premières mesures Covid, et qui, certes, critiquait leur mauvaise rédaction, etc., mais qui parlait de ceux qui ne les respectaient pas, en utilisant le mot, que je croyais effectivement oublié dans la littérature sérieuse, le mot de parasite. C'est-à-dire, ces gens-là sont des parasites. On se souvient très bien de l'époque, là encore, sans vouloir faire un point Godwin, mais on se souvient très bien d'une époque où certains humains étaient traités de parasites. Donc, en vérité, on a étendu le modèle ou le dispositif prévu pour les terroristes, alors évidemment avec des peines moins lourdes, mais c'est le même principe. Et chacun d'entre nous devient un suspect potentiel. Et donc, effectivement, armée, police, puisque le pénal dépend de la police, au fond, force, vraiment force brute de l'État, oui, effectivement, c'est une mise à nu de cette force brute qui se dévoile dans des domaines qui auparavant, comme la santé, qui auparavant en étaient préservés. Là, les questions-réponses, mais il y aura l'occasion de bien discuter par après. C'est justement pour ça qu'on va essayer d'un peu accélérer le rythme. La suite, la fois prochaine.